Voici votre bulletin régional. Créez vos cartes pour la Saint-Valentin ainsi que pour des anniversaires avec une touche personnelle. Venez rencontrer Jeannette Thériault et découvrir tout ce que vous pouvez utiliser à partir du recyclage. Ça se déroule à la place Auckland de Saint-Isidore de Clifton le 4 février de 13h à 15h30. Coût 5$ par personne. Inscription au 819-875-5643, poste 5820. Les 6, 7 et 8 février, à l'hôtel de ville Distinguis, c'est l'inscription pour le soccer.